main contourne mon cou afin de se poser sur ma nuque. Ma queue de cheval dessous, laissant glisser mon foulard de soie au long de ma colonne en émoi. Je t'en conjure, cher concubin, laisse-moi le choix de ta chair. Eunuque, tu n'es guère. Ta main fait demi-tour afin de se placer à l'entrée de mon chemisier sur mon cœur de velours, sans sauter mes deux jolis boutons d'une légère pression. Oh, je te confesse, cher concubin, l'effet du choix de ta chair est masculé. En un tour de main, afin d'encenser mes contours, si toi tu me découvres. Se détourne de mon être afin d'enchérir l'essence de nos envies à naître. Je la remplace par un regard, laissant le temps. En un éclair, descente de ma fermeture bruissante, afin de jouir de l'excès de mon indécence ravissante. Tu ôtes ce démon de pantalon de fer, laissant au sein de ma culotte les degrés de l'enfer, raviver le feu de mes pensées. Condamnes-tu, cher concubin, sur ton cœur en fraîcheur, le choix de ma chair? Sexuée, je ne suis guère. Avec tact, tes mains pleines de vie, afin de pénétrer mes habits souterrains, déroule-moi d'ici orphelin. Laissant pointer mes rangs de symétrie vers ta ligne directrice. En es-tu convaincu, cher concubin, de l'effet sur mon corps en chaleur du choix de ma chair factice?